Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Ils étaient encore la semaine dernière au cœur du diluvium, sur le terrain, les pieds dans la boue, à la recherche du berceau de la préhistoire. Contrairement au berceau de l'humanité, l'Afrique orientale ou australe, le berceau de la préhistoire est bien français et revient notamment à Jacques Boucher de Perthes qui, dans les années 1859-1860, mit en évidence l'ancienneté de l'homme antédiluvien, celui d'avant le déluge. 150 ans plus tard, ces grands gisements préhistoriques, pour partie oubliés ou perdus, sont réinvestis par des chercheurs du CNRS et du Muséum National d'Histoire Naturelle. Pour en parler, Marie-Hélène Moncel, Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour. Tous deux directeurs de recherche au CNRS, Marie-Hélène Moncel, vous êtes préhistorienne au Muséum National d'Histoire Naturelle, tandis que vous, Pierre-Antoine, êtes géologue quaternariste. Ce que vous cherchez, c'est le plus ancien peuplement de la France, Marie-Hélène Moncel. Oui, alors tout à fait, le premier peuplement, mais également le premier peuplement de l'Europe, puisqu'en fait la vallée de la Somme est au cœur de tous les questionnements que l'on a sur l'arrivée des plus anciens hominidés en Europe et sur les traces de cette arrivée et de leur âge, à quel moment ils décident de s'installer en Europe de l'Ouest, par exemple. On n'a pas plus vieux ? Alors si, on a plus vieux, mais la vallée de la Somme est particulièrement intéressante puisqu'en fait elle est déjà à l'origine de la naissance de ce qu'on appelle l'Acheuléen, hein, Saint-Acheul, avec la découverte de ses industries à biface. Mais elle a permis également, grâce à tous ces travaux, de reculer l'âge de l'arrivée de ces plus anciens bifaces en Europe. Pierre-Antoine, il y avait urgence à monter un tel programme dans les carrières de la Somme ? Oui, parce que comme on l'a un petit peu précisé, les sites qui datent maintenant effectivement de 150 ans ont été finalement oubliés pour la plupart. Et on a perdu une grande partie de ce patrimoine, à la fois du patrimoine archéologique, mais aussi patrimoine géologique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement, cette vallée de la Somme a été aussi à l'origine finalement de la géologie du Quaternaire. C'est vraiment là que la préhistoire et la géologie du Quaternaire se sont ont vraiment émergé avec des pionniers. Des pionniers comme Boucher de Perthes, mais aussi un peu plus tard, je pense à des gens comme Victor Comont, par exemple, qui ont été vraiment à l'origine de cette science. Et donc, une science qui vraiment s'est attachée à comprendre l'évolution de la planète pendant les phases les plus récentes du Quaternaire, donc les dernières centaines de milliers d'années, on va dire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est à partir de cette démarche de géologie qu'on a pu finalement dater et valider l'histoire de l'homme en fait, et donc des premières occupations humaines de ce territoire. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis plus de 20 ans, donc c'est une vallée que je connais relativement bien et dans laquelle on a vraiment, avec les travaux récents, je pense quand même apporter vraiment des résultats extrêmement nouveaux et passionnants. Cette approche naturaliste, elle existe d'ailleurs toujours chez les préhistoriens, chez les géologues, qui travaillent très très souvent ensemble. Oui, parce que c'est le lieu de cette démarche vraiment fondamentalement pluridisciplinaire, en fait, le Quaternaire et la préhistoire. Et ça, c'est quelque chose qui avait déjà été finalement inventé par Boucher de Perthes, un personnage qui était parfois un peu fantasque, mais qui avait aussi des côtés extrêmement rigoureux, notamment qui était quelqu'un qui a vraiment développé l'approche de la stratigraphie, d'aller comprendre la succession des couches de terrain, ce qui permet de dater et qui permet aussi de vérifier que les objets que l'on trouve sont bien conservés en place. Moncel, vous vous sentez naturaliste ? Alors oui, tout à fait. Pour nous préhistoriens, c'est indispensable de travailler dans cette équipe, dans une équipe interdisciplinaire, parce que comprendre ces hominidés qui arrivent dans des conditions environnementales parfois très variées est indispensable. On ne peut pas comprendre à quel moment ils arrivent, quelle route ils en prennent, dans quel site ils s'installent, sans avoir donc cette équipe interdisciplinaire et l'appui des géologues qui nous permettent de reconstituer le cadre de vie de ces hominidés, bien évidemment. Revenons donc et même revisitons un peu ce passé. Il y a 150 ans, l'enjeu est capital, c'est l'ancienneté de l'homme qui est en jeu. Alors, l'ancienneté de l'homme, oui, évidemment, mais il faut rappeler aussi que Boucher de Perthes, donc, qui est à l'origine de ces découvertes, a beaucoup aussi travaillé sur les bifaces, c'est-à-dire que là où il visitait les carrières, il ramassait, ou il demandait aux carriers de ramasser des bifaces. Et donc, pour lui, c'était aussi indirectement la preuve de la présence de l'homme, mais c'est évidemment lorsqu'on découvre des restes humains, en 1863, que là, on commence vraiment à discuter de la présence de l'homme. Il faut rappeler que d'après les sources religieuses, celui-ci, l'homme, n'avait que 4004 ans d'existence. Oui, tout à fait. Mais on était dans une période foisonnante où on se posait énormément de questions parce qu'on découvrait ces objets dans des terrains, dans des sédiments. Et bien évidemment, ils n'avaient pas le recul que nous avons maintenant pour dater ces sédiments, pour comprendre leur dépôt, leur géologie. Et donc, bien évidemment, toutes ces découvertes alimentaient le débat. Pourquoi Boucher de Perthes, un douanier au goût somme toute éclectique, va-t-il se rendre dans des carrières de sa région ? Pierre-Antoine. Je ne suis pas un spécialiste de Boucher de Perthes, loin de là, ni préhistorien, mais quand même, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait une vision. À cette époque où, effectivement, cette idée était déjà dans l'air, hein, d'autres en Allemagne ou en Angleterre avaient déjà commencé à conceptualiser, hein, cette idée d'un homme ancien. Et Boucher de Perthes avait quelqu'un qui avait vraiment une vision et qui a finalement bénéficié, à cette époque-là, d'une période où l'exploitation des graviers, hein, puisque c'est quand même là-dedans que finalement toutes les pièces ont été trouvées. Hein, les graviers étaient exploités, donc les graviers des terrasses de la vallée de la Somme, donc déposés par la vallée de la Somme à différents paliers d'altitude, étaient exploités donc pour faire notamment du ballast pour les voies ferrées, etc. Donc il y avait des carrières à peu près partout, des petites carrières artisanales dans lesquelles les ouvriers travaillaient à la main. Et donc, évidemment, récolter des pièces qui avaient donc des formes un peu étranges et qui, potentiellement, pouvaient être taillées par l'homme. Et donc, je crois qu'il a eu cette révélation et qu'ensuite, il s'est battu, évidemment, pour essayer de faire passer cette idée au sein de la communauté scientifique. Et ça a été vraiment très, très difficile pour lui. Ces outils dont on parle, à savoir les bifaces, ces sortes de grands silex, souvent en forme d'amande, on savait déjà que c'était l'œuvre de l'homme ? Alors je suppose, parce que quand même ils étaient capables de voir qu'ils avaient été fabriqués, que c'était pas des objets naturels, et d'autant plus que des carriers se sont très vite aperçus qu'il était possible de refabriquer ces objets, parce que Boucher de Perthes, comme d'autres préhistoriens, voulaient les trouver, ces objets. Et donc ils ont très vite compris que c'était très facile de le faire, et c'est là l'origine aussi des faux. Un des faux qui ont fait beaucoup de mal également à certains de ces sites, puisque ça a alimenté le débat justement sur l'inexistence ou non de la présence de l'homme, parce que les carriers auraient pu faire des faux. Est-ce que Boucher de Perthes a des prédécesseurs en France, par exemple ? Je pense que Pierre-Antoine serait plus à même que moi, travaillant sur la vallée de la Somme, de répondre. Oui, directement en préhistoire, pas évident, mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, dès 1797, hein, donc ça c'est bien avant Boucher de Perthes, il y a des gens qui se sont intéressés, des naturalistes, qui se sont intéressés aux carrières de la vallée de la Somme et notamment des carrières d'Abbeville, notamment d'un site qui s'appelle Manchecourt et qui était à l'époque extrêmement important puisqu'on y a retrouvé des restes d'animaux fossiles disparus. Et ça, c'est extrêmement important, et notamment l'hippopotame, hein, qui est donc présent dans ces dépôts des terrasses de la Somme. Et donc, c'est quelque chose qui marque les esprits et qui déjà, hein, à cette époque-là, donc c'est Laurent Trollet, voilà, qui était correspondant de Cuvier d'ailleurs, et donc il commençait à échanger les fossiles. Et donc, on a dès cette époque-là l'idée qu'effectivement il y a des animaux disparus qui sont présents dans ces dépôts alluviaux de la vallée de la Somme. On trouve aussi quelques silex, mais le concept n'est pas encore assez avancé, je pense, pour que voilà, on parle de prédécesseurs de la préhistoire. Mais voilà, ça a fait partie des éléments précurseurs, je pense aussi, au début de la pensée de Boucher de Perthes. Une des carrières de Boucher de Perthes, la carrière Carpentier, est aujourd'hui un monument classé à notre patrimoine national. Cela doit d'ailleurs être à peu près la seule. Cela montre en tout cas son importance. C'est une carrière clé. Ah oui, c'est fondamental, hein. La carrière dite Carpentier à Abbeville, finalement, c'est une relique, hein. Finalement, c'est la seule relique vraiment préservée dans laquelle on peut observer une coupe de terrain dans cette terrasse qui a environ 600 000 ans. On viendra sur l'âge plus tard. Donc, ça a été préservé jusqu'à maintenant. Et c'est le seul endroit où, en fait, on peut vraiment retourner travailler, hein, dans un secteur qui a été totalement urbanisé. Hein. Finalement, toutes les carrières de cette époque, de l'époque de Boucher de Perthes et même toutes celles qui sont ouvertes ensuite, ont totalement été rebouchées, comblées, recouvertes par les constructions. Donc, finalement, on n'a plus d'accès. On a perdu, finalement, l'accès à l'information. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir travailler sur cette carrière Carpentier. Et ça, c'est un travail qu'on a redémarré il y a quelques années D'ailleurs avec Marie-Hélène à l'occasion d'un programme de recherche qu'elle a monté sur les peuplements acheuléens et qui a vraiment permis de reprendre complètement l'étude du contexte géologique, de reprendre les questions de datation et de faire une fouille en fait sur ce site. Et ça c'était vraiment un travail très important qui a été publié récemment et qui maintenant finalement nous permet de proposer un âge extrêmement solide pour ces formations. Et ça c'est très important pour la suite évidemment des recherches hein, sur Abile et donc l'acheuléen. Allez, Monsal. Oui, travailler sur cette carrière carpentier était quand même un grand moment, assez extraordinaire d'avoir l'autorisation, puisque ce site est quand même un site mythique, puisqu'il est attribué dans la plupart des publications encore maintenant à l'Abbevillien. L'Abbevillien, c'est un terme que l'abbé Breuil, Victor Comon, Dole du Mesnil ont utilisé abondamment. Qu'on n'utilise plus aujourd'hui. En fait, il était considéré comme un très vieil acheuléen, c'est-à-dire des très vieilles industries avec des bifaces. Les débuts de la préhistoire en France. Voilà, et de la vallée de la Somme aussi pour eux. Et en fait, notre idée aussi, c'était de retrouver peut-être ces fameux bifaces qui avaient été découverts par Dole du Mesnil, qui avaient disparu probablement pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements du musée d'Abbeville. Et donc notre idée, outre bien sûr, comme dit Pierre, de redater, de recontextualiser cette séquence, c'était d'aller les retrouver. Et malheureusement, on ne les a pas retrouvés, mais on en a trouvé d'autres juste au-dessus de la séquence de cette carrière carpentier. Et donc de redater ces bifaces. Pierre-Antoine, cette carrière carpentier, elle se présente comment? C'est une sorte de grande coupe, un grand front de taille? Oui, c'est un front de taille qui fait maintenant une vingtaine de mètres de long sur 4 mètres de hauteur et qui est préservé par une grande toiture. Donc voilà, c'est un endroit relativement limité. Hein, finalement, c'est extrêmement limité. Anodin. Voilà, finalement, personne ne le connaît. D'ailleurs, dans la ville, ça se voit pas. Il y a un mur là, qui masque tout ça. Et finalement, il faut vraiment pousser la porte. Hein, et donc, c'est vraiment la fenêtre temporelle. J'aime bien cette idée-là. Et on est dans la rue, au milieu des voitures. On pousse la porte et hop, on arrive 600 000 ans un peu avant, face à des dépôts mis en place par la rivière Somme, hein, puisque ce sont des dépôts fluviatiles, des dépôts de rivière. Voilà, donc des dépôts de rivière. Pour la partie qui est la plus intéressante dans la carrière carpentier, des dépôts de conditions calmes dans lesquelles on va trouver des restes fossiles en fait d'animaux hein, qui ont été très très bien préservés puisque c'est un dépôt qui est très riche en calcaire. Et donc là-dedans, on a pu retrouver donc des restes de cervidés. Donc on a du cerf, on a du sanglier, du rhinocéros, de l'éléphant, de l'ours. Donc tout un bestiaire qui finalement correspond à un assemblage, pour les paléontologues, donc quelque chose qui est vraiment typique d'un environnement tempéré, hein, que l'on dit interglaciaire, puisque dans l'époque quaternaire, on a des successions de phases froides, glaciaires et de périodes interglaciaires. Donc période interglaciaire, dans un milieu relativement forestier, avec quelques espaces ouverts, donc avec ces grands animaux qui circulent, et dans lesquels on a aussi donc des rongeurs, on a des restes de mollusques qui sont extrêmement bien préservés, hein, des coquilles, des petits coquillages aquatiques, etc. Et quand on fait la synthèse en fait de tous ces bio-indicateurs, en fait de tous ces restes, on peut reconstituer finalement un climat et donc comparer finalement ce dépôt aussi à un certain nombre de référentiels, hein, et notamment des référentiels dans d'autres pays comme l'Angleterre où on a l'interglaciaire de Cromer par exemple qui est daté de 600 000 ans pour la même époque. Donc on a quelque chose de très cohérent en termes de reconstitution du milieu, hein, tempéré, interglaciaire et aussi en termes d'âge, puisqu'on a pour cet interglaciaire des âges moyens de l'ordre de 600 000 ans. Maëlle Monsal. Oui, les travaux sur Carpentier, en fait, alimentent tout à fait les débats que l'on a actuellement sur l'arrivée des plus anciens bifaces en Europe. Et sur donc les plus anciens, hommes. Voilà, et les plus anciens peuplements en Europe, puisque ça atteste également que l'homme dans des zones septentrionales est plutôt présent lorsque les conditions le permettent. C'est-à-dire lorsque c'est plutôt tempéré ou continental. Et lorsqu'il fait vraiment trop froid, il abandonne ces régions pour vivre plutôt dans les régions méridionales de l'Europe. Et donc, on a une absence totale du peuplement humain lorsqu'il fait vraiment trop froid. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Marie-Hélène Monsal, cet homme, ça pourrait être qui exactement? Alors les anthropologues lui donnent un nom, ils l'appellent Homo heidelbergensis, mais on a tellement peu de restes fossiles et on a également une telle diversité anatomique lorsqu'on décrit ces restes que de plus en plus on se demande si ça ne correspond pas à plusieurs hominidés différents qui seraient présents en Europe à partir de 700 000 ans. On ne sait pas trop son origine, on ne sait pas trop d'où il vient, mais en tout cas il est bien présent et il semble être associé avec l'arrivée des premiers bifaces. Nous voici devant donc une carrière qui est aujourd'hui à 40 mètres au-dessus du cours de la Somme actuelle. Donc c'est absolument gigantesque. C'est dire donc aussi le temps qui s'est écoulé. Comment avez-vous daté ce gisement ? Oui, alors voilà, en 40 mètres d'altitude, dans un pays relativement plat, ça paraît pas quelque chose d'extrêmement impressionnant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, cette vallée, d'après les travaux qu'on a menés relativement récemment, c'est creusé, l'incision totale est de l'ordre de 55 mètres pour un million d'années. Donc à 40 mètres, on est déjà plutôt dans le haut du système. En fait, on est dans la septième marche d'escalier d'un système qui s'est creusé progressivement, par étapes, avec à peu près une étape tous les 100 000 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est en connexion directe avec les grandes alternances glaciaires-interglaciaires, avec une cyclicité de l'ordre de 100 000 ans pour le dernier million d'années. On est sur un phénomène de terrasse, en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle les terrasses. Les terrasses qui représentent finalement des reliques extrêmement limitées dans l'espace. Ce sont vraiment quelques pourcents des anciennes plaines alluviales, des anciennes plaines dans lesquelles circulait la vallée de la Somme, qui ont été donc préservées suite au déplacement et au creusement de cette vallée qui est d'environ 5 à 6 mètres tous les 100 000 ans. Donc ça nous préserve un système en marche d'escalier qui est vraiment un modèle dans le sens où il est extrêmement régulier et qui nous a permis, à partir de toutes les recherches qui ont été menées sur cette vallée depuis maintenant une vingtaine d'années au moins, de proposer un système de référence avec un très bon calage chronologique. Donc finalement, la carrière Carpentier et donc ces sites extrêmement importants pour le début de la préhistoire, on les cale donc ici 40 mètres d'altitude relative et dans des dépôts qui sont maintenant vraiment extrêmement bien datés, je vous dis, avec un âge moyen de l'ordre de 600 000 ans pour la phase tempérée. La phase tempérée, c'est-à-dire les dépôts interglaciaires de la carrière Carpentier, donc dans lesquels on a trouvé notamment les restes de faune dont j'ai parlé précédemment. Est-ce que vous avez des périodes froides ? Alors oui, on a des périodes froides et notamment pendant les périodes froides, on a essentiellement mis en place dans la vallée, dans une vallée totalement différente de celle qu'on peut connaître actuellement. Je pense que pour avoir une idée, un analogue de ce type de vallée, il faut aller faire un petit tour au nord de l'Alaska ou éventuellement au nord de la Sibérie. Donc, Mackenzie. Voilà, détroit du Mackenzie, des choses comme ça. Donc vous voyez des rivières qui finalement ne fonctionnent qu'au moment des débâcles, au printemps, quand la neige et la glace font. Donc des débâcles importantes, donc ça transporte énormément de matériaux, ça met en place des bancs de gravier un petit peu partout. Donc c'est extrêmement dynamique. Et puis le reste du temps, en fait, le système s'assèche. Et puis donc on a relativement peu de mouvement. Donc c'est des vallées qui sont quand même accessibles en grande partie aux occupations humaines. Et dans certains cas, effectivement, on a l'évidence d'occupations humaines qui se seraient faites quand même en période froide, en tout cas, et qu'on retrouve associées à ces dépôts de gravier mis en place par la rivière pendant les phases froides. Marie-Hélène Moncel, vous nous parliez tout à l'heure de la trace de la main de l'homme, mais cette trace, elle a été charriée par la rivière. Alors oui, bien sûr, le matériel, ce qu'on appelle, nous, le matériel lithique, c'est-à-dire les objets fabriqués par l'homme en silex, bien sûr, se sont un peu déplacés. Mais par exemple, le site sur lequel nous travaillons la semaine dernière, on voit ces objets d'une très très grande fraîcheur, ça veut dire qu'ils ne se sont pas beaucoup déplacés, ça veut dire que vraisemblablement les hommes se sont installés en bordure du cours d'eau, peut-être parce que déjà il y avait de l'eau, mais ils trouvaient de la matière première, ils étaient installés un peu comme un supermarché, comme sur un supermarché, la matière première en abondance, et puis vraisemblablement ils trouvaient également du gibier, des carcasses. On a quelques sites de ces périodes-là qui montrent que l'homme venait souvent s'alimenter sur des carcasses de grands herbivores qui étaient soit morts naturellement et abandonnés au bord de la rivière, soit profitaient d'un enlisement d'animaux plus ou moins morts et donc pour récupérer de la viande. Donc on peut imaginer, bien évidemment on n'a pas de reste de faune pour ce site, mais on peut imaginer que ça pouvait être cette situation. C'est le cas de Tourville-la-Rivière par exemple, en bord de Seine avec des sortes de néandertaliens qui viendraient peut-être charogner un peu. Voilà, tout à fait. Pendant très longtemps l'homme est un charognard, même si de temps en temps il alimente également avec de la chasse de petits animaux. Et puis bien sûr au cours du temps la part du charognage va disparaître ou tout doucement diminuer, mais pour ces périodes-là on pense que le charognage était quand même encore très très important. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, que nous évoquons les grands gisements qui ont fait le berceau de la préhistoire française avec Pierre-Antoine et Marie-Hélène Moncel, tous deux directeurs de recherche au CNRS. Dans cette quête et dans les pas de Boucher de Perthes, un autre gisement devait être investi. Le fameux site de Moulin-Quignon, oublié depuis 150 ans. Il fallait donc tout d'abord le retrouver. Pierre-Antoine ? Oui, ça a été une vraie belle aventure finalement, parce que c'est quelque chose qui a démarré sous l'impulsion donc de nos amis du muséum avec Arnaud et Marie-Hélène qui ont d'abord monté en fait une opération de recherche dans les archives puisque finalement presque tout a disparu. On a quelques pièces dans les musées, relativement peu de publications de qualité, très peu d'observations. Donc c'est extrêmement difficile de retrouver tout ça. Donc il y a eu cette première phase de travail avec le programme monté sur les les premiers peuplements de l'Europe du Nord-Ouest. Et puis dans ce cadre-là, à un moment donné, finalement, on est arrivé à la conclusion, après avoir justement fouillé la carrière Carpentier, où on a pu dater les sédiments, trouver de la faune, mais finalement, dans lesquels on n'a pas été capable de trouver finalement des bifaces âgées de l'ordre de 600 000 ans. Donc finalement, la question restait ouverte. Elle restait ouverte et ce qui s'est passé, c'est que suite à cette recherche, on a fini par identifier la position actuelle de l'ancien site du Moulin Quignon, dit du Moulin Quignon, hein, les anciennes carrières du Moulin Quignon, donc dans lesquelles avait travaillé Boucher de Perthes. Et on s'est aperçu que c'était ce site, finalement, avait totalement disparu du paysage et qui se trouvait probablement entre quelques immeubles de la ville d'Abbeville, hein, donc dans un quartier dit de l'Espérance, qui porte bien son nom. Et donc, on a commencé à réfléchir à la façon de pouvoir intervenir sur ce secteur, puisque finalement, on est en zone urbanisée, il n'y a pas de conditions de sauvetage particulières, etc. Donc, finalement, on a monter cette opération de A à Z directement en collaboration avec la mairie d'Abbeville qui nous a à la fois donné l'autorisation d'aller faire des sondages en plein milieu de la ville, ce qui est quand même pas commun, et aussi qui nous a suivi vraiment, matériellement pour monter cette opération. Donc découverte d'abord des petits sondages, quelques sondages à la grue au mois d'octobre cette année, et puis contrairement à toute attente, on a quand même sur 17 sondages, on a eu 3 sondages positif, c'est-à-dire dans lesquels on a retrouvé des dépôts de la Somme, donc sur la terrasse de 40 mètres en place, et à l'intérieur de ces dépôts, donc deux sondages qui ont livré des pièces manifestement HLN, donc biface, éclat, enfin des choses qui, Marianne vous le dira, sont extrêmement typiques. Donc ça a été vraiment une très grande surprise, une très très belle surprise, et qui était donc le point de départ finalement, donc toujours en collaboration avec la mairie d'Abbeville, d'une autre opération qu'on vient de terminer il y a une semaine, et qui là était une fouille sur une surface beaucoup plus importante, puisqu'on a ouvert à peu près 15 mètres sur 15 et 5 mètres de profondeur. Tout ça au cœur des immeubles. Oui, tout ça au cœur des immeubles. Donc, mais ça s'est très très bien passé, aussi avec la population. On a fait une présentation de ces recherches là au début, et on a eu plutôt des retours positif à tout point de vue. Moulin Quignon est un gisement majeur. Pour preuve, en mars 1863, Boucher de Perthes découvre une mandibule humaine, une découverte majeure pour la préhistoire, Marie-Hélène Moncel. Alors oui, une découverte majeure, puisqu'elle prouve la présence de l'homme, bien évidemment. C'est mieux que de trouver un biface, bien que Boucher de Perthes avait trouvé des bifaces à Moulin Quignon bien avant. Donc c'est sûr, mais en même temps, ça va lui poser beaucoup de problèmes, puisque ces découvertes de restes humains, sur plusieurs années, vont conduire à des controverses très très fortes, même avec les Anglais. Et donc, on va en faire en sorte que ce site va petit à petit être remis en cause, être considéré comme un faux. Du coup, on se met également à considérer que les bifaces étaient des faux. Donc, ça donne aussi des textes très agréables à lire et très séduisants sur la discussion. Est-ce que c'est des bifaces sont des faux, pas des faux? Donc là, ça donne des choses assez extraordinaires. Et Boucher de Perthes va essayer donc de sauver son site, mais il va avoir énormément de mal. Mais je voudrais quand même dire merci à Boucher de Perthes, parce que grâce au fait qu'il a déposé du matériel au Musée de l'Homme, au Muséum d'Histoire Naturelle, qu'il a été extrêmement soigneux dans un certain nombre de choses. Par exemple, on retrouve des bifaces avec des petites étiquettes, avec de sa main marquées qu'il les avait trouvées à 4 mètres de profondeur, 5 mètres de profondeur. On a retrouvé, et Pierre pourra en parler mieux que moi, des petites boîtes de sédiments, de sable qu'il avait collecté de cette carrière. On a pu se rendre compte que ce site était vraiment une pépite et qu'il fallait absolument essayer de le retrouver, d'y retravailler. S'agit-il réellement d'une fraude? Les faux ont d'ailleurs leur place dans la recherche. La mandibule de Moulin Quignon n'a-t-elle pas d'ailleurs permis donc la reconnaissance officielle de l'ancienneté de l'homme? Oui, certes, mais enfin maintenant on sait que c'est un homme moderne. Ça veut dire qu'il a été, ses restes ont été introduits frauduleusement dans le site. Et aussi grâce à ce projet dont parlait Pierre, on a pu redater ces restes humains. Et on s'est aperçu qu'ils dataient du XIIIe et du XVIIe siècle, sans doute provenant d'un cimetière qui était assez proche. Pierre, tu peux en dire un mot, donc très proche du site. Oui, il y avait un cimetière à 200 mètres à l'époque. Je crois que, voilà, donc le déménagement du cimetière peut-être a donné l'occasion à certains des ouvriers de récupérer des restes et de les introduire subrepticement dans les coupes, voilà. Oui, parce que les ouvriers savaient que Boucher de Perthes était très intéressé. J'imagine qu'ils venaient régulièrement voir ce qu'ils trouvaient dans les coupes. Alors, ils voyaient bien qu'ils étaient intéressés par les bifaces. Ils en fabriquaient des faux, mais bien évidemment, pouvoir réintroduire des restes humains, c'était quelque chose d'encore plus magnifique. Et donc, ils ont dû aller les récupérer vraiment très proche du site. Donc, c'est une escroquerie liée donc aux ouvriers, aux carriers? On saura jamais qui est à l'origine de cette escroquerie. En tout cas, Boucher de Perthes semble avoir été abusé, parce qu'il dit lui-même qu'il est sort de la coupe. Donc il a vu à aucun moment que les pièces avaient été introduites frauduleusement. Donc en fait, c'est un peu dommage parce que ce site est vraiment un site archéologique, il l'a prouvé, hein, les derniers travaux l'ont prouvé. Et donc cette découverte, en fait, si elle n'était pas arrivée, bien évidemment, elle aurait changé l'histoire de la préhistoire, parce que toute la discussion sur l'origine de l'homme, mais elle aurait permis peut-être de conserver ce site dans les mémoires et de moins le mettre aux oubliettes. Est-ce que l'on a trouvé déjà du fossile dans la Somme? Du fossile humain, du bien fossile sûr. Humain, non. Non, non, non, non, non, non, non. C'est ce qui manque. Si je me trompe, le seul fossile est relativement récent puisqu'il s'agit d'un crâne qui est daté de 11 000 ans à peu près. Donc, c'est vrai qu'à l'échelle de ce qui nous intéresse, hein, des débuts de la préhistoire, c'est vraiment très, très récent. Non, non, non, non, non, non. C'est vraiment extrêmement rare. C'est pour des questions de conservation et peut-être aussi des questions de culturelles à l'époque puisque finalement on retrouve assez facilement les os des animaux, mais on retrouve non pas les os des humains. Il faut voir que donc 4 ans avant cette escroquerie, en 1859, se joue la reconnaissance du paradigme de la haute antiquité de l'homme. De quoi s'agit-il ? Ben oui, c'est l'homme est présent, l'homme a fait des objets bien avant nous, donc il y a une histoire antérieure, et donc bien évidemment, Boucher de Perthes est au cœur de cette histoire des connaissances, de cette histoire des sciences, et d'autant plus qu'il commençait à trouver des bifaces dans un certain nombre de sites, dont dans Moulin-Quignon, bien évidemment. Vous avez redaté aussi ce gisement, enfin daté, puisqu'il n'avait jamais été daté par Boucher de Perthes, et pour cause, il n'avait aucun moyen de le dater. Vous l'avez daté, donc, ce site de Moulin-Quignon ? Oui, bien évidemment, il n'était pas daté. Alors, ce qui est important en ce qui concerne Moulin-Quignon, c'est ça qui est très, très intéressant pour nous, d'avoir pu retrouver ce site, d'avoir pu le fouiller, donc de faire des observations sur la stratigraphie des dépôts qui sont conservés en place. Ce qui est important, c'est de savoir que finalement, on se trouve exactement dans la même position stratigraphique que la fameuse carrière Carpentier dont on a parlé précédemment et sur laquelle on a maintenant des âges, une moyenne d'âge autour de 600 000 ans qui sont bien calés. Voilà. Donc à partir du moment où on peut reconnecter finalement Carpentier et Moulin-Quignon, hein, qui sont sur la même surface, dont les dépôts reposent sur la même surface d'érosion finalement de l'ancienne vallée de la Somme, on peut proposer un âge pour les dépôts de Moulin-Quignon et donc les artefacts qui sont conservés à l'intérieur d'au moins 600, je pense plutôt aux alentours de 650 000 ans, avec une certaine marge d'erreur bien évidemment. Hélène Moncel. Ah oui, ces découvertes là que l'on vient de faire sur la présence de bifaces et donc d'objets taillés par l'homme sont vraiment fondamentales parce que jusqu'à maintenant, enfin ces dernières années ont montré que les bifaces arrivaient en Europe sans doute vers 700 000 ans. Mais on les avait dans le centre ou le sud de l'Europe. Et dans la vallée de la Somme et même en Angleterre, on n'avait pas de pièces plus anciennes que 550 000 ans. Et donc là, non seulement on vieillit de 100 000 ans la présence de l'homme dans la vallée de la Somme, et en plus on trouve des bifaces qui sont contemporains de ce que l'on a dans des régions plus méridionales. Donc en fait, là on réintroduit en quelque sorte, s'il fallait la réintroduire, la vallée de la Somme dans l'histoire actuelle des connaissances et dans la manière dont les hominidés ont peuplé l'Europe de l'Ouest et l'Europe en général. Et puis, par la même occasion, vous recréditez Moulin-Quignon en tant que gisement archéologique. Qu'est devenu d'ailleurs la mandibule de Moulin-Quignon, du XIIIe ou du XVIIe siècle? Alors, les restes humains sont au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, c'est grâce à cela qu'on a pu tenter une redatation carbone 14, hein, qui nous ont permis de les redater du XIIIe, XVIIe siècle. Mais on a également des collections de bifaces. Hein, c'est ces bifaces sur lesquelles on a retravaillé. Alors, bien que Boucher de Perthes, on a mis un petit peu partout. Il essayait tellement de défendre son site au moment de la polémique qu'il a mis donc des pièces dans pas mal de musées, mais malheureusement la plupart du temps, on ne peut pas attribuer la position de ces pièces. Et c'est grâce à la présence de ces fameuses petites étiquettes très émouvantes, puisqu'on a son écriture, qu'on a pu relocaliser dans la stratigraphie certains de ces bifaces. À préparer cette émission, j'ai lu que l'affaire de Moulin-Quignon est un trou noir dans l'archéologie préhistorique, ayant englouti un site et une collection paléolithique. C'est réellement le cas ? Alors oui, c'est un trou noir parce que la découverte de ces restes humains en fait a fait en sorte qu'on a oublié ce site. Alors on sait pourtant que d'autres préhistoriens ont travaillé après. Par exemple, on sait que l'abbé Breuil est venu à un moment. On sait aussi qu'un de ses élèves, le frère, est venu. Et c'est même assez amusant parce que quand on a construit les immeubles dans les années 60, il a été un des derniers à aller regarder ce qui se passait dans les fondations des immeubles et donc à laisser des petits témoignages sur le fait qu'il restait des sédiments en place. Donc on a des croquis de ce monsieur qui nous ont aussi aidés à retrouver la localisation de ces sédiments.